Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Eh bien oui, c'est la 257e émission de Rock de Neurones depuis les tout débuts, en février 2013. Et cette année, la formule reste inchangée, c'est-à-dire qu'on aura, comme à l'habitude, le premier bloc de l'émission qui sera consacré à l'album de la semaine et les trois autres blocs vont être en alternance avec le rock progressif d'aujourd'hui et assez souvent, comme ce fut le cas dans le passé, eh bien, on aura aussi des prestations des classiques des années 70. On aura aussi, comme à l'accoutumée, des émissions spéciales. Il y en a déjà deux de prêtes, c'est-à-dire une émission spéciale consacrée au Brésil. Ça va être diffusé dans trois semaines. Et au milieu de l'automne, on aura Israël. Il y a aussi en préparation un spécial sur la Pologne et la France. Probablement le Québec va venir au début de l'hiver. Et auparavant, je vais faire un petit peu le survol de ce qu'on aura aujourd'hui. Eh bien, on va débuter avec Logos, bien entendu. On va aller du côté de la France avec Paris, qui a produit un album plus tôt cette saison. On a un nouveau groupe du Québec qui s'appelle Code 18. C'est un groupe de Gatineau. On aura Rick Wakeman and the English Rock Ensemble. Magenta aussi, qui a sorti un très bon album cet été. On a Green Carnation de la Norvège. Et on va, en fin d'émission, faire un retour dans le passé avec Blocco Mentale, entre autres, de l'Italie. Et on aura James Rosas, ça vient du Chili. Et on va conclure avec un groupe, en fait un musicien qui s'appelle Lucio Battisti, qui nous vient de l'Italie. Alors on débute le premier bloc de l'émission avec la nouveauté de la saison, je crois. C'est l'album de Logos. L'album s'intitule Sadako et les Mille Grou di Carta. C'est un album concept là, qui tourne autour de l'origami. Cet art de pliage de papier. Si vous voulez une vraie belle, c'est-à-dire un très beau survol de cet album-là, je vous invite à consulter la chronique de Serge Marcoux sur Profil. C'est une des très belles critiques ou chroniques que j'ai lues cette année. Donc, l'album est constitué de 6 chansons. Ça dure 64 minutes. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je vous en propose 3. C'est Origani Insol, Paidia G di Insomnia et Zaini di Elio. Alors, on débute ça avec Logos et en primeur, une petite jingle de Logos. Hello, je suis Fabio Gaspari du groupe Logos et vous écoutez Rock des Neurones sous les ondes de CFOU, le FM 89.1 à Trois-Rivières.

la strada d'erba, gambe forti per scendere a terra. E ho un cuore leggero per spiccare ancora il volo. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous écoutez la première émission de la saison 2020-2021 de Rock de Neurones et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Alors, pour ce deuxième bloc de l'émission, on va aller du côté de la France avec un groupe qui a fait paraître un album en début d'année. Le groupe s'appelle Aperis. Il est constitué de trois musiciens. Il y a Christophe Bellière au chant, Benoît Campedel à la guitare et à la basse et Sylvain Goyot qui s'occupe des claviers et de la batterie. Ils ont produit un album qui s'intitule « Vers la lumière » et aujourd'hui, bien, je vous propose la pièce titre. Ensuite, on revient du côté du Québec à Gatineau avec un nouveau groupe du nom de Code 18. C'est un groupe qui est formé de trois musiciens. Il y a Johnny Maz au clavier. C'est un personnage qu'on connaît pour sa participation à la formation Huiss. Il est accompagné de Jean-François Rémillard à la guitare et Bonds à la basse et au chant. Aussi, il y a des artistes invités qui sont sur cet album-là, dont Michel Saint-Père, qui œuvre sur la pièce numéro 8. Je rappelle qu'il y a 10 pièces sur cet album-là, et la pièce numéro 8, du nom de Droft, sera la deuxième pièce qu'on va entendre dans le bloc. Et on va conclure avec monsieur très connu, Rick Wakeman, qui vient de faire paraître son 80e album studio. L'album s'intitule The Red Planet et la pièce que je vous propose, c'est The North Plain. Alors, on débute ça avec le groupe français Apéris. Salut, c'est Sylvain Goyot de Apéris et vous écoutez Rock de Neurones de Trois-Rivières au Québec. Thank you. Jimmy Farley. Je rappelle aux auditeurs que durant l'été, on a eu deux émissions spéciales et durant la deuxième, on avait fait jouer le nouvel album de Magenta. La pièce qu'on avait fait jouer, c'était Masters of Illusion, donc la pièce titre de l'album. Et on reprend pour cette première émission de la saison. Un autre extrait de Magenta qui, celui-là, provient de la compilation qui est sortie en parallèle avec Master of Illusion. La compilation s'intitule The Lost Reel et on vous propose la même pièce qui a joué cet été, mais en version instrumentale seulement. Et tout de suite après, bien, on aura une formation un petit peu métal, là. C'est du expérimental post-métal. Le groupe, c'est Green Carnation. Il nous vient de la Norvège et ils ont produit leur sixième album studio. C'est un groupe qui est en disque depuis 2000. Alors, le sixième album studio, c'est Leaves of Yesterday. Et la pièce qu'on a choisie pour vous, c'est Hounds. Alors, on y va tout de suite avec Magenta. don't wanna know. I shut it down. That's my freedom, as long as you're around. like a stone, swim in cold waters, carry on. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Maintenant, on revient du côté musical et je vous propose pour débuter le bloc un petit retour en 1973 avec un groupe italien que j'aime beaucoup. Le groupe se nomme Blocco Mentale. Ils ont produit un seul album. L'album s'intitule Poa. Et ça, c'est un des, en tout cas selon les spécialistes du rock progressif italien des années 70, là, c'est un des 20 meilleurs albums de l'époque. Alors, la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Impressioni. Ensuite, on va aller faire un long détour du côté du Chili avec James Rosas, okay, qui a œuvré surtout entre 2003 et 2011. Il a eu le temps de produire 4 albums studio, dont le dernier, qui s'intitule Flashback, et j'ai choisi pour vous la pièce-titre. Et on va conclure avec un artiste italien qui est considéré comme, en tout cas, on l'étiquette comme prog related ou prog par association, du fait que ces 12 albums studio, en fait, plus que ça, il y a 15 albums studio, n'ont pas tous été de facture prog. Le principal album qui touche au rock progressif, c'est Anima Latina, paru en 1974. Et la pièce que je vous propose, c'est Anonimo. Alors ça, c'est bien entendu pour faire plaisir à mon ami auditeur Paul Baudouin de Shawinigan. Alors bonne écoute et on débute avec Blocco Mentale. fermo nascono nuove sensazioni. Tutto il corpo vibra, poi mi accorgo è nato un fiore. Anche un petalo può far rumore. Mi avvicino, sento il suo calore. Ora parlano solo di verde gli occhi miei. S'apre il cielo e scopro la superbia del mattino. La sua luce porta la speranza qui da me. Aspettare no, non servirà, ed un nuovo giorno poi verrà, e l'inizio di una nuova vita fiorirà. Dentro me sta morendo un fiordaliso e piange pure il cielo. Già si sente il freddo che tra poco vincerà. La sua anima non se ne andrà, ed un giorno poi risplenderà, è l'inizio di una nuova vita. Fiorirà. Scoperta in fondo a quello stagno, era nata dopo tanto tempo la mia immagine che sorrideva dentro me. Sentimento che rianima il tuo cuore spento. casa anonima, la gente anonimo, anch'io. Un cane ciaccazione, all'improvviso un morso, figlio mio. La frutta nel giardino, i panni nel catino e lei ore ed ore. Le gambe nude, il volto acceso ed una colpa, 10 anni maggiore. C'era lei e cos'altro ancora, nascosti giù al fosso, complice il sesso, a misurarsi, a masturbarsi un po'. Flagrante, io sono l'amante, ragazzi silenzio assoluto per carità. Thank you. Ce que vous venez d'entendre, bien, c'est l'artiste italien Lucio Battisti et la pièce Anonimo, tirée de l'album Anima Latina, paru en 1974. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette première émission de Rock de Neurones de la saison 2020-2021. Et je vous souhaite une très belle semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.